10. Le mari par vengeance. Camille ne se doute point qu'elle va me revoir si tôt. Elle est surtout loin de s'attendre à parer demain son cou du collier de perles, qu'elle admira tant avant mon départ chez le joaillier Siméon. Chère Camille, pouvais-je, ayant réussi dans la spéculation, qui m'a tenu 8 grands jours éloigné d'elle, faire moins que de lui donner cette preuve de mon affection? Ainsi se parlait à lui-même Raoul Dumartel, en se dirigeant vers une des plus coquettes maisons de la rue des Dames, aux Batignolles. Raoul avait 35 ans. Il était garçon. Les opérations commerciales auxquelles il se livrait de loin en loin avaient plutôt pour but d'occuper ses loisirs que d'augmenter le chiffre de sa fortune, qui était suffisante. Camille était une belle personne de 20 ans, élevée en demoiselle riche par d'aveugles parents, dont un modeste emploi constituait tout l'avoir. Orpheline à l'âge, où une fille ne trouve plus à mettre le pied sur un terrain qui ne soit hérissé des pièges de la séduction, elle avait, comme des milliers d'autres, débuté par un faux pas sur la scène du monde. Mais les nobles sentiments qui animaient le cœur de Camille n'avaient point succombé dans sa chute. Elle n'avait qu'un espoir, qu'un désir, c'était de se relever. Et ce désir était si vif qu'elle eut abandonné sans hésitation son élégant et riche séducteur Raoul pour suivre le premier rustre, le premier vieillard, le premier naufragé venu, à la seule condition d'un mariage dans toutes les formes, autre écueil contre lequel il arrive souvent qu'une femme achève de se briser. Il ne manque pas dans le monde de ces Lovelace qui ont toujours une promesse de mariage au service de leurs amours, sauf à se parjurer après la victoire. Ces parjures-là ne déshonorent point un homme, ils le mettent à la mode. La promesse de mariage était le procédé habituel de Léon Bernier, jeune poète qui avait commis un sonnet dans sa vie. Dieu sait le nombre des pauvres victimes qui s'étaient déjà laissées prendre au sonnet et à la promesse de mariage de Léon Bernier. Un hasard fatal jeta Léon sur le chemin de Camille, toute disposée à prêter fort peu d'attention au sonnet, beaucoup à la promesse. La beauté de Camille parut à Léon si éblouissante qu'il jura de mettre le sceau à sa réputation en faisant figurer cette magnifique conquête sur sa liste. Pour abréger le chemin, Léon se fit l'ami intime de Raoul. C'est encore un procédé fort en usage. Mais revenons à Raoul, que nous avons quitté à quelques pas d'une maison de la rue des Dames, aux Batignolles, laquelle maison n'est autre que celle où son amour a réuni pour Camille tout ce qui peut embellir la prison d'une maîtresse. Raoul, en approchant, sentait battre son cœur. Ce n'était pourtant pas un novice courant à un premier rendez-vous, loin de là. Il avait même usé largement des privilèges du célibat. Mais, quelque richement meublé que fût sa mémoire, il n'y pouvait trouver le souvenir d'une femme comparable à Camille. Et il était obligé de s'avouer qu'il y avait cette fois dans son cœur autre chose qu'un amour propre satisfait. On était en octobre. 8 heures du soir venaient de sonner. La lueur de quelques lanternes permettait à peine de distinguer les objets dans la rue. Ce qui n'empêcha point Raoul de reconnaître Léon sonnant à la porte vers laquelle il se dirigeait lui-même, de voir cette porte s'ouvrir et se refermer, et de discerner 2 silhouettes qui ne tardèrent pas à se dessiner sur les rideaux d'une des fenêtres du premier étage. Nous ne devons pas oublier de dire que Raoul, avant son départ, ayant eu quelques sujets de suspecter les intentions de son nouvel et fervent ami Léon, avait recommandé formellement à Camille de lui tenir fermée son oreille et sa porte. Recommandation dont Camille avait tenu le compte qu'il voyait. « Je suis trahi !» fut la première exclamation de Raoul. Son second cri fut un cri de vengeance. Il s'élançait déjà vers la porte, résolu à l'enfoncer, si on ne venait de la lui ouvrir. La pensée dans ces moments-là est plus prompte que l'éclair. À l'instant où la main de Raoul allait agiter le cordon de la sonnette, il s'arrêta. « Que vais-je faire ? Tuer Camille ? Demain je figurerai comme meurtrier sur les bords de la cour d'assises, et il faudra que je m'estime très heureux si l'admission de circonstances atténuantes me vaut une réduction de quelques années de bagne. » Cette réflexion calma singulièrement son effervescence. « J'attendrai la sortie de Léon. Je le souffleterai. Demain nous nous battrons, et je le tuerai, ou il me tuera. » Cette phrase belliqueuse fut aussitôt suivie de ce raisonnement parfaitement logique. « Si je suis tué par Léon, que deviendra ma vengeance ? Si Léon est tué par moi, je n'aurai puni qu'un des coupables, et le moins coupable des deux. » Raoul allait et venait avec une agitation qui témoignait du trouble où cette fluctuation de pensée jetait son esprit. « Sans compter, ajouta-t-il, que je m'attirerais encore sur les bras une vilaine affaire, car j'aurais été le provocateur, et j'aurais peu de droit à l'indulgence du tribunal. » Raoul frappa la terre du pied avec colère. Qu'ils sont heureux, ces hommes mariés, s'écria-t-il. Que de privilèges précieux en compensation de la chaîne qui les lie. Si j'étais l'époux de Camille, j'aurais le droit de me faire ouvrir cette porte. J'aurais le droit de pénétrer dans cet appartement. J'aurais le droit, surprenant les coupables, de les immoler tous deux à ma légitime fureur. Oui, le droit, car dans ce cas, la loi admet l'excuse, et le juge ne condamne point. Oh, Camille, Camille, que ne suis-je ton mari ? Le lendemain, vers le milieu de la journée, Raoul, aussi calme qu'il avait été agité le soir précédent, mais pâle et les yeux creusés par une nuit sans sommeil, se rendit chez Camille, qui à sa vue jeta un cri de surprise. « Vous ici, mon ami ? Vous m'aviez fait pressentir une absence plus longue. Je ne vous attendais pas avant 8 jours. »« 8 jours de plus m'auraient paru 8 siècles, » répondit Raoul. « J'ai donc hâté de tous mes efforts l'expédition de mes affaires, pensant aussi, avec un peu de présomption peut-être, que vous ne m'en seriez pas trop mauvais gré. » Camille rougit et se tut. Elle avait, de même que toutes les femmes, la dissimulation du silence, mais elle ne savait pas y joindre, comme un grand nombre d'entre elles, l'hypocrisie de la parole. Raoul lui présenta l'écrin que, 24 heures auparavant, il s'était fait une si grande joie de lui offrir. Un collier de perles, fit Camille d'une voix émue. Cette émotion provenait-elle du plaisir qu'elle ressentait ou de quelque remords secret qui s'éveillait en elle ? C'est, reprit-elle, le collier que j'ai eu l'autre jour l'indiscrétion de tant admirer en votre présence chez le joaillier Siméon. Je ne veux point, Raoul, que vous vous ruiniez pour moi. Reprenez ce présent, beaucoup trop beau pour votre maîtresse. Il ne l'est point pour ma femme, répliqua Raoul, d'un ton froid mais décidé. Mais pour l'oreille de Camille, la froideur du ton disparut devant le sens de l'expression. Elle laissa tomber l'écrin sur ses genoux et regarda fixement Raoul, comme pour lui demander si elle avait bien entendu. Les formalités à remplir exigent un délai de 11 jours. Dans 12 jours, Camille, vous porterez mon nom. L'explication était trop claire pour qu'il y eût à s'y méprendre. Camille, fléchissant sous le poids d'une émotion trop vive, avait plié les genoux. Elle couvrait de baisers et de larmes la main de Raoul. Bientôt elle se redressa, la figure rayonnante. « J'accepte, » dit-elle. Et il y avait quelque chose d'inspiré dans sa voix et dans son regard. « Tartuffe, » pensa Raoul. Le mariage fut célébré le 12e jour après cet entretien. Le lendemain de la cérémonie, Raoul fit venir dans son cabinet le concierge de sa maison. « N'oubliez pas, Jérôme, que le port des lettres adressées à madame vous sera payé 20 francs quand vous viendrez me les remettre secrètement à moi-même. » Le concierge partit. Ce fut le tour de la femme de chambre. « Vous vous rappelez, Rosine, à quelles conditions je vous ai placé près de madame ?»« Oui, monsieur. Ayez l'œil à tout et partout. Madame ne doit pas dire une parole, écrire un mot, faire une démarche que je n'en sois informé sur le champ. Je triple vos gages si je suis content de vous. À la première infraction, je vous congédie. » Et quand il fut seul, il se dit « Voilà mes dispositions prises, je n'attendrai pas longtemps. » Cependant, un mois s'écoula. Jamais femme ne se montra aussi aimable, aussi prévenante envers son mari, aussi sévère à l'égard d'elle-même, que le fut Camille durant ses 30 premiers jours d'épreuve. Jérôme ne trouva pas l'occasion de gagner une seule pièce de 20 francs. Rosine commençait à craindre que la chance de voir tripler ses gages ne fût une chimère. « On n'a pas voulu me faire grâce de la lune de miel, » pensa Raoul avec un sourire, dont l'amertume trahissait un violent dépit. « Patience, le masque ne saurait tarder à tomber. » Depuis le mariage de Camille, Léon n'avait pas une seule fois paru chez Raoul. Celui-ci, dont les projets ne s'accommodaient probablement pas de cette abstention, se rendit en personne au domicile de son soi-disant ami, dans le but de lui inspirer toute sécurité par la rondeur et par l'abandon de ses manières. Quel fut son mécompte en apprenant que Léon était depuis un mois en voyage, et qu'on n'avait aucune donnée sur l'époque de son retour, qui paraissait devoir être encore fort éloigné. Raoul était en rentrant d'une humeur massacrante qu'il ne pouvait manquer de faire retomber sur sa femme. Camille ne trouva que de douces paroles à opposer aux rébuffades de son mari. « Ruse et fourberie que tout cela, » murmurait Raoul, en lui-même. Mais il n'est point d'acteur si maître de son rôle qu'il n'ait tôt ou tard un moment d'oubli. Les jours, les semaines s'écoulaient. Et le moment d'oubli n'arrivait point. Il ne venait pas à l'esprit de Raoul de douter qu'il y eût échange de lettres entre Léon et Camille. Mais quand et de quelle manière avait lieu cette correspondance ? Évidemment, les lettres n'arrivaient point à Jérôme, et Rosine, malgré toute sa vigilance, n'avait encore pu mettre la main sur le moindre brouillon, capable de compromettre sa maîtresse. « C'est une fatalité, » s'écria-t-il avec emportement. « L'occasion ne m'a point fait faute quand la vengeance m'était défendue. » Aujourd'hui que j'ai acquis le droit de me venger, c'est l'occasion qui m'échappe. » Aigri par la déception, Raoul devint de jour en jour plus tyrannique dans ses exigences, plus injuste dans ses colères, plus dur dans ses expressions. On eût dit que, pour se dédommager de ne pouvoir faire éclater sa vengeance d'un seul coup sur Camille, il s'ingéniait à la lui faire subir en détail. Mais ni contradiction, ni injustice, ni querelle n'avaient le pouvoir d'influer sur le caractère soumis et patient, sur l'humeur égale, sur la conduite prudente et sage de Camille. Il était impossible à Raoul de la trouver en faute. « Il est fâcheux, madame, que vous soyez liée d'amitié avec mademoiselle de Solange. Lui connaîtriez-vous quelques défauts, mon ami? Elle a celui de me déplaire souverainement. Je désire que vous cessiez de la voir. J'obéirai. Une femme ne doit point choisir ses amis parmi les personnes qui déplaisent à son mari. » Une autre fois, Raoul entre brusquement dans l'appartement de sa femme. « Que signifie ceci, s'il vous plaît? J'ai l'imprudence de m'absenter 2 jours, et je trouve à mon retour qu'on a mis tout sens dessus-dessous dans ma maison. On a transporté dans ma chambre à coucher les meubles de mon cabinet, et on a transformé en cabinet ma chambre à coucher. Et cela sans me consulter, sans me prévenir? Pardon, mon ami, je vous avais entendu former le projet de cette nouvelle disposition, beaucoup plus commode que l'autre, disiez-vous, il y a quelque temps. J'avais donc pensé que ce serait pour vous une agréable surprise, de voir qu'on l'avait exécuté pendant votre absence. Vous aviez entendu, vous aviez pensé, c'est-à-dire, madame, que le changement vous est chose agréable, et que pour satisfaire votre caprice, vous avez profité du moment où je n'étais point là. Eh bien, moi, j'ai horreur des déménagements, et je vous prie de faire rétablir sans retard, dans mon appartement, l'ordre que vous avez eu la déplorable idée d'y détruire. Ne vous fâchez point, Raoul. Si j'étais prompte à faire la sottise, je ne le serais pas moins à la réparer. Et pour que la réparation alla plus vite, elle ne craignit pas de déroger en y mettant elle-même la main. Quelques jours après cette scène, tout était en mouvement dans la maison de Raoul. Une voiture avait amené des décors, des tentures, des guirlandes de fleurs artificielles, des banquettes. Le marteau retentissait dans le salon envahi par les tapissiers. Marthe, la cuisinière, ne faisait qu'aller et venir du logis au marché et du marché au logis. Elle avait pris des aides, et dans sa cuisine, c'était un bruit confus d'assiettes remuées, de plats choqués les uns contre les autres, de ragoûts frémissants sur les fourneaux. Camille avait ouvert ses écrins, ses armoires. Elle passait en revue ses bijoux et sa garde-robe, rejetant, choisissant, rejetant encore, allant du roseau bleu, de la perle au diamant, ne trouvant rien d'assez bien pour se faire aussi belle qu'elle souhaitait de l'être. Rosine, essoufflée, haletante, courait en gémissant chez la couturière, chez la modiste, chez les marchands de nouveautés. Raoul sortit dès le matin, et dont la rentrée n'était attendue que pour l'heure du dîner, parut inopinément au milieu de ce remue-ménage. Marthe est la première qui lui tombe sous la main. « Comme vous voilà rouge et affairée, quel bruit dans votre cuisine !»« Pardon, monsieur, je n'ai pas le temps de causer, mes fourneaux fonctionnent. »« Vos fourneaux ?» Et sans doute pour le grand repas que monsieur donne ce soir à ses amis. Raoul entre dans le salon. « Ah, mon Dieu, quel pêle-mêle de guirlandes, de banquettes et de paravents! Qu'est-ce que c'est que cet échafaudage ?»« C'est un théâtre, » répond un des ouvriers. « Un théâtre, et pourquoi ?»« Pour la comédie qui doit être jouée ce soir chez monsieur. » Raoul passe dans l'appartement de Camille. Il est furieux, mais il affecte un air calme, ne voulant point se donner en spectacle devant tant de gens. « Qu'est-ce à dire, madame? Un repas, une comédie, une fête chez moi? Une fête que je n'ai pas ordonnée? » « C'est qu'il était dans mon rôle de présider à ses apprêts, mon ami. Le vôtre n'était que d'en jouir. » « Parlez plus clairement, s'il vous plaît. Je ne sais point deviner les énigmes. Eh bien, Raoul, n'est-ce pas aujourd'hui le 20 décembre? Après... Et le 20 décembre? N'est-il pas le jour anniversaire de votre naissance ? » La colère de Raoul devait tomber devant une telle explication. Elle n'en fut que plus excitée. « Vous êtes vraiment heureuse en à propos. Cette fête ne peut avoir lieu. »« Pourquoi donc, mon ami ? » demande vivement Camille, inquiète et redoutant l'annonce de quelque catastrophe. « Parce que nous partons dans 2 heures pour notre maison de Saluces. Au milieu de l'hiver, c'est la plus belle des saisons à la campagne. Et le salon qui est décoré, et le théâtre qui est monté. » Vos ouvriers détacheront les guirlandes, enlèveront les banquettes et démonteront le théâtre. Et mes invités qui déjà s'habillent et se disposent à venir, vos invités, sur un mot d'excuse que vous allez leur écrire, se déshabilleront et resteront chez eux. Des larmes perlaient dans les yeux de Camille, mais elle cessa toute objection. Vous m'avez entendu, reprend Raoul d'une voix brève et rude, 2 heures pour faire disparaître jusqu'au dernier vestige de ces préparatifs. Dans 2 heures, je serai prête à vous suivre, dit-elle avec une résignation parfaite. Le soir de ce même jour, vêtue d'un simple peignoir, assise au coin d'un triste feu de houille, dans une salle presque nue et mal éclairée, en face de Raoul qui ne desserrait pas les dents, au fond d'une campagne, dont les sifflements du vent interrompaient seuls le silence, Camille rêvait peut-être de parures éblouissantes, de salons étincelants, des feux de 1000 bougies, de compliments flatteurs et d'orchestres harmonieux. Mais elle n'en laissait rien paraître. Et même, dans l'espoir de dérider le front soucieux de son mari, elle trouvait encore de douces paroles et de gracieux sourires. 3 mois s'écoulèrent dans la soporifique monotonie d'une solitude d'ermite, d'un ciel brumeux et d'une existence régulièrement partagée entre la table et le coin du feu. C'était à périr de consomption. Jamais Camille n'exprima un regret, ne proféra une plainte, du moins en présence de son mari. Une si rare abnégation n'inspirait à Raoul que de provocantes contradictions et d'inqualifiables fantaisies. Il en devenait féroce. Un jour que le thermomètre marquait 8 degrés au-dessous de zéro, il voulut, sous prétexte que les chemins étaient d'une agréable sécheresse, chasser le chevreuil en compagnie de Camille. Marcheur infatigable et chasseur intrépide, il traversait les fossés, franchissait les haies, pénétrait dans les halliers sans prendre souci de la terre durcie par la gelée, qui offensait les pieds délicatement chaussés de Camille, ni des ronces qui lui déchiraient les mains et le visage. La pauvre femme, dissimulant ses souffrances, puisait dans le sentiment d'un devoir accompli le courage et la force de plaisanter elle-même sur les douloureux incidents de cette véritable course au clocher. Médor, le chien de Raoul, ayant eu le malheur de se trouver en défaut, reçut une verte correction. « Oh, mon ami, grâce pour Médor, je vous en supplie !» Cette supplication valut à Médor une double volée de coups de fouet. Camille, peu encouragée par ce résultat, se garda bien de solliciter un second pardon. Seulement, elle passa la main à la dérobée sur la tête de Médor, qui levait vers elle un triste regard, en poussant un gémissement plaintif. Mais ce mouvement de compassion si naturel ne fut point assez subtil pour échapper à Raoul. Ses yeux devinrent flamboyants. « Morbleu, madame, je corrige, je vais vous caresser !» Il abaissa le canon de son fusil et appuya le doigt sur la détente. Camille voulut arrêter le bras de son mari. Il était trop tard, le coup partait, mais Dor tomba. « J'aimais ce chien, madame, c'est vous qui m'avez obligé à m'en défaire !» Camille ne se permit aucune réplique. Elle suivit les yeux baissés, Raoul, qui gesticulait convulsivement en mâchonnant une chevrotine, exaspéré par la constance d'une soumission et d'une douceur que rien ne pouvait fatiguer. Cette colère incessante, cette soif ardente d'une vengeance, toujours attendue, dont le prétexte ne se présentait jamais, devait finir par brûler le sang de Raoul. Une fièvre accompagnée de délire le força de prendre le lit. Des symptômes alarmants se manifestèrent. Le médecin, effrayé, déclara que le malade était en grand danger, et que, pour le sauver, il ne fallait rien moins qu'un miracle. Ce miracle, Camille le fit. Elle s'installa dans l'appartement dont son mari et ne souffrit point qu'aucune autre personne veillât à son chevet. C'était elle qui préparait, mesurait, donnait les potions prescrites et aux heures indiquées avec une régularité mathématique. Elle poussait le scrupule jusqu'à se refuser un instant de sommeil dans la nuit. Tant de dévouement ne fut point stérile. Le docteur, tout glorieux d'une cure, dans laquelle Camille était bien au moins pour moitié, annonça enfin que le malade était hors de danger. Le même jour, en effet, disparurent le délire et l'assoupissement qui n'avaient cessé d'alterner depuis l'invasion de la maladie. Mais Raoul, en recouvrant la mémoire et la connaissance, s'étonna de voir Camille occupée à lui prodiguer ses soins. Au lieu d'être touché de cette marque de tendresse, il repoussa brusquement le breuvage qu'elle lui présentait et ne craignait point de dire que, pour veiller auprès de lui, il ne manquait pas de servantes à la ferme. La moindre irritation pouvait provoquer une rechute. Camille se retira sans murmurer dans son appartement. Une vachère la suppléa dans celui de son mari. De tous les coups qui lui avaient brisé le cœur depuis son mariage, ce dernier ne fut pas le moins cruel. Raoul était rétabli. Les arbres se couvraient de feuilles. Les premières fleurs s'épanouissaient dans le jardin. Les oiseaux saluaient de leur gazouillement le retour de la belle saison. Camille eut le tort d'en ressentir de la joie et commit la faute plus grande encore de la laisser percer dans sa physionomie et dans ses discours. « Si la campagne est maussade en hiver, disait-elle, en étageant des fleurs dans les vases de la salle à manger, comme elle sait nous dédommager au printemps, je lui reconnais sans peine dans cette saison une grande supériorité sur Paris. Mon sentiment est si peu d'accord avec le vôtre, madame, que j'allais précisément vous prévenir de notre prochaine rentrée dans ce Paris que vous dénigrez. Je ne sais vraiment pourquoi. Mais je ne le dénigre en aucune façon, mon ami. À la ville ou à la campagne, je me trouverai bien partout où vous serez. C'est intolérable, s'écria Raoul. Et il sortit en refermant la porte avec une violence qui jeta Camille dans la stupéfaction. Il y avait 8 jours à peine qu'ils avaient repris possession de leur maison à Paris, lorsqu'un soir, Jérôme se glissa mystérieusement dans le cabinet de Raoul. « Monsieur, monsieur, voici 20 francs Je veux dire, voici une de ces lettres dont le port a été évalué 20 francs par monsieur lui-même. » Raoul s'empare de la lettre, la décachette avec précaution et parcourt d'un rapide coup d'œil les trois longues pages qu'elle renferme. Trois pages les plus passionnées et de l'écriture la plus fine pour annoncer son retour et solliciter un rendez-vous. Le nom de Léon est au bas de ce magnifique morceau de rhétorique. « Enfin, » dit Raoul avec un sourire, « le premier depuis 6 mois qu'il est marié. » Mais quel sourire! La lettre est adroitement recachetée et rendue à Jérôme, accompagnée de la pièce de 20 francs promise. « Le silence le plus absolu sur ce que vous venez de voir. Allez chez ma femme. Faites-vous petit, marchez sur la pointe des pieds, comme un homme qui craint d'être surpris. » Et remettez-lui cette épître. Un peu plus tard, dans la même soirée, Raoul voit un autre personnage entrer d'un pas furtif dans son cabinet. « Que voulez-vous, Rosine ?»« Monsieur, voici un billet qu'on m'envoie porter à la poste. » Il y avait pour souscription à monsieur Léon Bernier, et l'écriture était de Camille. Raoul emploie pour le billet de sa femme le même procédé que pour la lettre de Léon. Il n'y trouve que cette phrase « Je vous attends demain au soir à 9h ». Le billet recacheté est porté à la poste par Rosine, qui fait gaiement sauter dans sa main une bourse rondelette, salaire de sa félonie. « Un rendez-vous ici, dans ma propre maison ? Quelle audace !» disait Raoul en faisant l'inspection de ses pistolets dont il venait de charger les doubles canons. « À 9h du soir, c'est juste. Je vais tous les soirs au cercle à 8h. Il est rare que j'en revienne avant minuit. Allons, » poursuivit-il en regardant ses armes avec satisfaction, « tout va bien. Mes pistolets ne me feront point défaut. » Il y avait entre le salon et la chambre cochée de Raoul un cabinet noir ouvrant sur les deux pièces. Ce fut là qu'il résolut de se tenir caché, après avoir trompé par une fausse sortie sa femme et tous les gens de la maison. Léon arriva au rendez-vous avec l'exactitude d'un amoureux 10 minutes avant l'heure. Camille lui fit signe de s'asseoir, et sans lui laisser le temps d'entrer en matière. « Je croyais, monsieur, dit-elle, qu'un homme d'honneur n'avait qu'une parole. Vous m'aviez promis de ne point chercher à me revoir. Mais je n'ai point promis de cesser de vous aimer. Et quand j'ai su que vous n'étiez pas heureuse... « Moi, qui vous a dit cela ?»« Tout le monde, madame. »« Le monde a bien de la bonté de s'occuper de moi. Qui m'occupe si peu de lui ?»« Il ne vous est pas plus possible d'empêcher qu'il s'intéresse à ce qui vous concerne que de contraindre mon amour, quand vous souffrez au silence et à l'inaction. »« Pour vous poser en protecteur, vous oubliez, monsieur, que je suis marié. »« Avec un fou furieux que vous devez haïr. »« Avec un honnête homme que je dois aimer et respecter. »« Que j'aime et respecte. »« C'est impossible. »« Il m'a donné son nom. » Je vous ai offert le mien. C'est vrai, et j'ajouterai que poussé par l'ambition de recouvrer dans le monde la place honorable que m'y avait fait perdre un moment d'erreur, je fus un jour, pour cette seule raison, sur le point d'accepter votre amour. Mais quand je vis que la réhabilitation me venait, sans que je l'eusse demandé, de celui-là même, pour qui j'avais été faible sans condition, alors, profondément ému d'un tel acte de générosité, je vouais à l'homme qui en avait eu le courage une reconnaissance de tous les instants, un amour sans partage, un dévouement sans borne. Fût-il, ainsi que vous venez de le dire, un fou furieux, la gratitude m'empêcherait de m'en apercevoir. Je ne l'en vénérerais pas moins, je me dévouerais pour lui avec la même ardeur que si la plus vive tendresse éclatait dans toutes ses paroles, dans toutes ses actions. C'est pour vous dire cela moi-même que j'ai consenti à vous recevoir, monsieur Bernier, afin de vous bien convaincre, par le calme de mon visage, par la fermeté de ma voix, que mon langage est d'accord avec mes sentiments, et qu'en poursuivant vos obsessions, vous vous exposeriez à jouer un rôle odieux ou ridicule. » La contenance de Camille, en parlant ainsi, était telle, en effet, que Léon se leva, salua respectueusement et se retira. Toute son imagination n'avait pu lui suggérer une autre réponse. Camille, en se retournant après l'avoir reconduit, aperçut la porte du cabinet ouverte, et Raoul à genoux, ses pistolets encore à la main. « Mon mari, » s'écrie-t-elle, et la vue des armes la fait reculer avec effroi. « Accable-moi de ton courroux et de tes mépris, » dit Raoul d'une voix étouffée. « Je suis un misérable. » Il jette ses pistolets au loin sur le parquet. « Je savais qu'il devait venir. J'étais là. J'avais résolu de vous tuer tous les deux. » Camille, pour tout reproche, s'élance au cou de son mari. « Tu es pure comme les anges, clémente comme Dieu. » Il la serra dans ses bras. « Ce que je t'ai causé de chagrin et de souffrance, je veux maintenant te le payer en bonheur, au centuple. » Raoul a tenu parole.